Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison aux Sabres de Roberval. C'est la chronique des Sabres de Roberval. On rappelle que cette chronique est commanditée par le groupe les autobus Véro de Saint-Félicien. Il y avait un seul match pour les Sabres. On en parle avec l'instructeur-chef Jason Lejeunesse. Salut Jason. Salut Danny. Jason, belle victoire de 6-2 dans ce match-là. Oui, une très belle victoire là, de notre part là, samedi soir contre les Aiglons d'Alma. Les gars ont pris ça un petit peu à la légère. On n'a pas été intense comme on l'a été là, dans nos derniers matchs. Ouais, mais encore une fois, là, c'est des petits détails, comme on dit. Là, mais les petits gars ont bien joué encore une fois dans l'ensemble. Là, mais il manquait peut-être un petit peu d'intensité. Mais c'est sûr que quand tu prends l'avance 3-4-0, l'intensité, elle veut pas, elle vient moins un petit peu que si ça serait poussé. Là, un petit c'est peu. Sûr. Donc, mais quand tu dis 6-2, le match, c'est quand même une victoire assez convaincante, non? Oui, on a dominé le match là, du début jusqu'à la fin. Mais tu sais, je suis un entraîneur, j'étais un entraîneur assez exigeant. OK. Et, mes petits gars, ils auraient pu être plus intenses, plus affamés. Ça aurait pu être, on aurait pu gagner ce match-là 9 ou 10-2 là, sans problème. Okay. Mais tu sais, c'est des petits détails, mais. Dans un match de 6-2, on est capable de passer par-dessus ça. Mais c'est ça. Les petits gars le savent qu'il aurait pu en avoir plus. Mais tu sais, c'est une belle victoire pareil. Okay. Donc, on peut pas demander mieux. David Simard-Fortin, 2 buts de passe. 1 but pour Simon Dumas. 1 but de passe pour Michael Boivin également. Et Vincent Gagnon a marqué 1 but et amassé une passe aussi. En fin de semaine, pour les Sabres, ça ressemble à quoi? Je vois les Saguenay de Chicoutimi et contre les Marquis. Les Marquis, c'est en plein ça. Un dimanche soir au Palais des Sports, c'est jamais facile. Non, c'est jamais facile d'aller jouer là, à Jonquière. Surtout que les arbitres, en plus de ça, la dernière fois, je me rappelle l'arbitre. Oui, en plein ça. On s'est fait un petit peu voler la rencontre là, à Jonquière. Mais c'est ça, on a un bon test en fin de semaine. Si on veut continuer à monter dans le classement, il faut aller chercher là, ces deux matchs-là là, contre Jonquière et Chicoutimi. Ça va être deux bons tests pour notre équipe. Là. Si on est capable d'être complet en fin de semaine, ça devrait bien quand même bien aller. Mais t'es-tu confiant quand même? Je veux dire, ça va quand même assez bien de ce côté-là? Les joueurs? Oui, on va être peut-être 16-17 joueurs. Là. C'est quand même pas si mal que ça. On se présente pas à 11-12. Là. Ouais. Au moins, c'est au moins ça. Ouais. On se présente pas à 20 comme Jonquière et Chicoutimi le font dernièrement. Là. Mais on est capable d'apporter là, un 8-9 joueurs d'avant et un 5-6 défenseurs à tous nos matchs. Donc, c'est quand même bon signe là, pour ce niveau-là là, du côté des Sabres de Roberval. Ouais. Ben, Jason, ça va faire le tour pour cette semaine? Yes, parfait. Merci. Donc, c'était la chronique des Sabres de Roberval, une commandite des autobus Véro de Saint-Félicien.